Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Gamozo, vous nous écoutez sur le 107 FM ou sur internet, il est 8h30, c'est Marion, vous êtes bien dans la matinale. Nous sommes le vendredi 29 juin, nous souhaitons une bonne fête aux pierres, ça vient du grec signifiant petit caillou. Pierre est un homme fort mais difficile à comprendre car deux composantes opposées sont incluses dans son prénom. La première, masculine, de tempérament colérique, excitable, passionné, vient de l'association du 1 et du 8 karmique. L'autre est la tendance de ce tempérament nerveux, secrète, intériorisé, timide, voire inhibé, qui provient de l'association du 7 et du 9. Individualiste et personnel, c'est un homme de devoir, peut-être davantage toutefois dans ses propos que dans les faits. Il a du mal à se faire comprendre, ses réactions sont souvent imprévisibles et il peut tout aussi bien réagir intempestivement et brutalement que se replier sur lui-même dans une sensibilité plus ou moins douloureuse. Le dialogue, le tact et la diplomatie ne sont pas sauf forts alors que son intuition est très développée. C'est en général un actif, mais son fond d'extrémisme le rend inégal. Soit il se donne totalement à ses activités, observe un réel acharnement dans son travail, soit il se réfugie dans une inactivité totale. Je vais y arriver. Et on fête aujourd'hui les Paul également. Ça vient du latin signifiant petit. Paul a du caractère, mais cela n'apparaît pas de prime abord car il est enclin à la méfiance. Pourtant passionné, il a une nature réservée et un besoin de rester secret. Deux tendances extrêmes coexistent au sein de cette forte personnalité. D'une part, il est introverti, calme, réfléchi, patient, persévérant. Il n'aime guère l'imprévisibilité. Vu à le sens des responsabilités et une moralité stricte, voire austère. D'autre part, il est extraverti, mobile, changeant, excitable, indépendant. Il refuse les contraintes, adepte de la liberté et amoureux des plaisirs. C'est donc un personnage souvent ambigu, dont les actes ne sont pas toujours à la hauteur des paroles ou des promesses et réciproquement. Dicton du jour à la Saint-Pierre, les fraises à terre. Saint-Pierre et Paul pluvieux et pour 30 jours dangereux. Célébration internationale aujourd'hui à Malte, c'est la fête de Saint-Pierre et Saint-Paul et fête des illuminations. Aux Seychelles, c'est la fête de l'indépendance. En Polynésie française, c'est la fête de l'autonomie, jour anniversaire de la cession de la pleine et entière souveraineté sur tous les territoires dépendants de la couronne de Tahiti à la France. Et ça s'est passé un 29 juin 1776, fondation de la ville de San Francisco, 1976, indépendance des Seychelles. Allez, première pause musicale avec Men at Work et leur titre Down Under. Traveling in a freighter combi on a hippie trailhead full of zombies. I met a strange lady, she made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, do you come from a land down under? Where women go and men wonder. Can't you hear the thunder? You gotta run, you gotta take cover. He was 6'4" and full of muscle. I said, do you speak my language? He just smiled and gave me a Vegemite sandwich. And he said, I come from a land down under, where we don't know and mention her. at Work sur RGM, presque 8h37, anniversaire. Ils sont nés un 29 juin 1936, naissance de Jacques Balutin, acteur français, vu entre autres dans Les Joyeux Lurons, Le Concierge, Mon Curé chez les Thaïlandaises ou encore Monsieur Papa. 1944, naissance de Gary Buzet, acteur américain, vu dans L'Arme Fatale dans le rôle de Monsieur Joshua, Predator 2 dans le rôle de Peter Keys, dans Point Break, Extreme Limit. 1948, naissance de Ian Peace, musicien britannique, batteur du groupe Deep Purple. On écoute tout de suite un extrait de leur titre Smoke on the Water. Voilà pour l'extrait des Deep Purple. On continue. 1953, naissance de Colin Hay, chanteur australo-britannique, membre du groupe Man at Work. 1963, naissance de Pierre Ménès, journaliste sportif. 1973, naissance de Sophia Aram, humoriste française. 1978, naissance de Nicole Scherzinger, chanteuse américaine qui a fait partie du groupe The Pussycat Dolls, qui maintenant fait plutôt une carrière en solo. Et elle a notamment fait un duo avec le chanteur Moambi, ça s'intitulait Coconut Tree. On écoute tout de suite un petit extrait. I'll always remember our summer in Hawaii. Aloha nui loa. Under the coconut tree we stay, falling crashing to me like a wave. You bring the fool out of my cool, baby, use your tools, make me wanna change my ways. Under the coconut tree. Voilà pour l'extrait donc du titre de Nicole Scherzinger et Moambi. 1986, naissance d'Edouard Maya, chanteur, compositeur et producteur roumain. 1987, naissance de Jenali, chanteuse française. 1990, naissance de Yann Mvila, footballeur français professionnel depuis 2008 qui a joué au Stade Rennais, au Rubin Kazan, l'Inter de Milan, Sunderland, et depuis janvier 2018, il joue à Saint-Étienne. 1992, naissance d'Adam Gary Sevani, acteur, danseur américain connu pour son rôle de Moose dans Sexy Sexy Dance 2, Sexy Dance 3D, Sexy Dance 4 et Sexy Dance 5, Live in Vegas, et vu également dans LOL version USA dans le rôle de Wayne. En 1972, décédé Bobby Lapointe, chanteur français, notamment connu pour le titre Takati Takite, dont on écoute tout de suite un petit extrait. Ce soir au bar de la gare, Igor Agar et Noir, il n'arrête guère de boire. Car sa Katia, sa jolie Katia, vient de le quitter. Sa Katia l'a quitté. Il a fait chou blanc, ce grand duc, avec ses trucs, ses astuces, ses ruses de russe blanc. Ma tactique était top, qui dort, qui s'endort, ivre mort au comptoir du bar. Un russe blanc qui est noir, quel bizarre hasard se marre, l'effet tarpaillard du bar. Par encore Igor, il dort, mépris de son oreille, merveilleux réveil vermeil, lui prodigue des conseils pendant son sommeil. Tic-tac, tic-tac, tac-a-tic-a-quitté, tic-tac, tic-tac, tac-a-tic-a-quitté, tic-tac, tic-tac. Voilà pour l'extrait de Bobby Lapointe. En 1978 est décédé Bob Crane, acteur américain connu pour avoir incarné de 1965 à 1971 le rôle du colonel Robert Hogan dans la série télé Papa Schultz. En 1982, décédé Pierre Balmain, célèbre couturier français. La même année, décédé également Henry King, réalisateur américain, qui est l'un des 36 fondateurs de l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences, qui décerne chaque année les Oscars. Vu dans Le Brigand Bien-Aimé, Le Brigand Bien-Aimé, Les Neiges du Kilimandjaro, Tendre et la Nuit, La Cible Humaine ou encore Bravados. En 1999, décédé Alan Kerr, producteur de cinéma américain, qui l'on doit Grease 1 et 2 ou encore Can't Stop the Music. En 2002, décédé Rosemary Clooney, actrice américaine, tante de George Clooney, vue au cinéma dans Noël Blanc et apparue dans quelques épisodes de la série télé Urgence. En 2003, décédée Katharine Hepburn, actrice américaine, vue dans Morning Glory, où elle a d'ailleurs remporté l'Oscar de la meilleure actrice, tout comme pour le film Devine qui vient dîner, Le Lion en hiver, La Maison du Lac également, et vue aussi dans L'Impossible Monsieur Bébé, Indiscrétion, La Femme de l'année ou encore Soudain l'été dernier. En 2008, décédé Don S. Davis, acteur américain, connu pour son rôle du docteur Fletcher dans Allô Maman, Ici Bébé, Allô Maman, C'est Encore Moi, vu dans la série télé Mystère à Twin Peaks dans le rôle du Major Garland Briggs, dans Stargate SG-1 dans le rôle du Major Général qui est devenu ensuite Lieutenant Général George Hammond, et vu également dans NCIS Enquête Spéciale ou encore Supernatural. Et en 2017, décédé Louis Nicolin, dirigeant du Montpellier Hero Sport Club. Allez, petite pause musicale, Édouard Maya et son titre Stereo Love. Let go, don't let go of my love. Maya avec le titre Stereo Love sur le 107 FM. Il est un petit peu plus de 8h46 et on fait un point météo. La météo. Alors, ce sera encore une très belle journée ensoleillée avec tout de même quelques nuages dans le ciel, des températures estivales. Hein. Elles sont comprises entre 18 et 19 degrés ce matin. Elles seront comprises entre 25 et 27 degrés. Pour cet après-midi, on aura un week-end ensoleillé, des températures comprises entre 14 et 15 degrés samedi matin, entre 28 et 30 degrés pour samedi après-midi. Et pour dimanche, des températures qui augmentent encore. Elles seront comprises entre 18 et 19 degrés dimanche matin et entre 29 et 31 degrés prévu pour dimanche après-midi. Allez, on fait un point sur l'actualité sportive. Les résultats sportifs. Tennis à Antalya, élimination de Pierre Hugerberg hier en 2-7 face à Dzoumour, 6-4, 6-1. Monfils s'est qualifié en 2-7 face à Garcia Lopez, 7-6, 6-4. Et Manarino s'est qualifié en 2-7 face à Souza, 7-6, 6-4. Aujourd'hui, duel franco-français entre Manarino et Monfils. Un mot de basket ce soir, c'est France-Bosnie. L'équipe de France sera composée ainsi. Il y aura Albici, Batum, Causeur, De Colo, Dio, Foll, Fournier, Gobert, Hurtel, Kofi, Lacombe et Poirier. Un mot de hockey sur glace. La Gameo Academy a reçu hier l'autorisation de poursuivre son activité. Il y aura donc bel et bien du hockey en septembre à Épinal et une équipe en Détroit. Et allez, maintenant on s'envole pour la Russie. Et dans les derniers matchs de phase de poule hier, la Pologne s'est imposée 1-0 face au Japon. La Colombie s'est imposée 1-0 face au Sénégal. Le Sénégal qui est d'ailleurs éliminé à cause de cartons jaunes en plus par rapport au Japon. La Belgique s'est imposée 1-0 face à l'Angleterre et la Tunisie s'est imposée 2-1 face au Panama. Dans le groupe G termine donc à la première place la Belgique, deuxième l'Angleterre et groupe H. Première, la Colombie, suivie donc du Japon. On connaît donc les affiches des huitièmes de finale qui commencent ce samedi à 16h avec le match que tout le monde attend, enfin en tout cas en France, hein, c'est France-Argentine. Alors espérons que les Bleus s'améliorent dans le secteur offensif parce que sinon ça risque d'être un petit peu compliqué face à l'équipe de Lionel Messi. Mais on y croit, allez les Bleus. Et samedi à 20h, ce sera Uruguay-Portugal. Dimanche à 16h, Espagne Russie, à 20h Croatie-Danemark, à lundi 16h Brésil-Mexique et à 20h Belgique-Japon. Et enfin, mardi à 16h, ce sera Suède-Suisse, suivi à 20h de Colombie-Angleterre. Voilà pour l'actualité sportive. On va maintenant marquer notre dernière pause musicale avec Jenali et le titre « J'aimerais tellement ». Ce n'est qu'une larme, juste un reste du passé dont je m'éloigne, mais qui ne cesse de me hanter. Ce n'est qu'une larme qui entaille mes pensées. Je retrouve mon âme, ton regard me donne envie d'avancer. Laisse-moi l'oublier, laisse-moi l'effacer, pour mieux tout te donner. J'aimerais tellement te dire ce que veut mon cœur, mais je n'ai plus les mots, non. J'aimerais tellement te dire que je n'ai plus peur, mais ces mots sonnent faux, oh. Je dois tout recommencer une nouvelle fois. Baby, pardonne-moi si je fais un faux pas. Si j'aimerais tellement tenir ce que veut mon cœur, mais je n'ai plus les mots. Non, j'ai peur de cette flamme qui avant de m'a brûlé. Tes yeux me désarment, je n'ose plus les affronter. Mes dire ce que veut mon cœur, mais je n'ai plus les mots. Non, j'aimerais tellement te dire que je n'ai plus peur, mais ces mots sonnent faux. Oh, oh, oh. Je dois tout recommencer une nouvelle fois. Baby, pardonne-moi si je fais un faux pas. D'ici, j'aimerais tellement te dire ce que veut mon cœur, et je trouverai les mots. Non. J'aimerais tellement Jenali sur RGM, presque 8h54, c'est déjà l'heure de se dire au revoir, mais avant de se quitter, un point sur ce qui vous attend aujourd'hui de 9h à 9h30, un épisode d'Ours et Carottes suivi à 10h d'un deuxième épisode d'Ours et Carottes, 14h rediffusion de J'aimais, je vous le lis avec Dominique, 15h rediffusion de Just Time de Radio Déclic, 17h rediffusion du Prix Ado Médiathèque, 18h l'heure des loups avec Lou qui nous parle des sorties du week-end, 19h Action Slam, à 21h ce sera normalement Vincent avec Vivre et Créer à la montagne. Et nous, on se retrouve alors dans 3 semaines. Et oui, je prends un petit peu de vacances, simplement méritées. On se retrouve le lundi 23 juillet. Voilà, comme ça, si vous voulez noter sur votre calendrier. Si vous partez en vacances, eh bien, je vous souhaite d'excellentes vacances. Soyez prudents sur les routes, profitez-en bien. Et si vous travaillez, eh bien, bon courage à tous. À bientôt.